pas d'interview, je me prends pas pour une starlette. Ça y est, ça fait 2-3 petits sons et puis ça vient faire le taré. Ok, mec, faut que t'arrêtes parce que les puristes c'est nous. Une seule voix vous coupe la tête, donc unissez-vous. Ok, moi si je rappe, c'est pour vous livrer des messages. Ma plume, c'est ma mine d'or et puis mon inspire, c'est mes traves. Ok, quand j'écris un texte, j'ai plus d'inspire qu'à l'école. Je n'allais pas réussir car j'étais devenu un escroc. Ok, vu que j'ai mes potes pour me tirer vers le haut, je vais pas me remplir un verre de rhum et pas mentir en pleine roue. Ok, nos vies c'est de la merde alors on rappe le malheur. On aimerait partir de là mais on voit c'est la même ailleurs. Avec mon vélo je pédale et je ne sais plus quel chemin prendre. C'est à cause de si je me retrouve seul à fumer sur un banc. Je suis pas un pantin et je n'ai jamais aimé l'état. Oui j'aurais pu réviser mais à la place j'en ai très tard. Tu connais les causes et t'en écoutes les conséquences. Je voterai des pros, tous le but c'est conséquent. Les concertants du rap qui dit la vérité compte des concertants. Applaudis par les VIP et comprends. C'est à tes oreilles qu'on somme. Vois que dans le chemin qu'on prend, la pute de psy s'appelle consomme. Charismatique, apprenez que le rap c'est pas pour la mode. Qu'arrivera-t-il en premier? La réponse ou la mort? Autant de dormir sous une couette, qu'est-ce que je m'en tape des beaux palais? Et ne juste dans mon surnom cousin, mais comment ne pas l'être? C'est pas le manque ou le déficit qui noircit mon regard, c'est qu'on ne monte pas la bonté. Par contre, s'il y a 6 morts, on garde. Car les gens veulent y vivre du trash, ils sont tous devenus sanguinaires. Je les vois qui gueulent, vite du cash. Quitte à en laisser sans inerte. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai déjà vu, vous êtes des foutes. C'est quel âge? 21 piges, j'ai presque autant que vous tous. Foutait la gerbe, mon mode de vie, je l'ai pigé. Je crois pas qu'il soit 70, 21 pigé. J'ai la fatigue des 70. Si tu au taf, garde le sourire. Parce que l'on croit en l'illusion. Avant le moral, en sachant bien que peu à peu illusion j'ai. Sauf de savoir, je me demande tout le temps où t'en pis. Je m'inquiète le moment où je dirais. Je crois que là, ça y est, je peux tout stopper. J'ai plein de questions existentielles. Et pour en débattre la réponse, j'arrêterai le rap le jour où j'aurai trouvé la réponse. Tu connais les causes et t'en écoutes les conséquences. Je poserai des pros, pousse le but, c'est conséquent. Et concertant. Du rap qui dit la vérité compte déconcertant. Applaudis par les VIP et comprends. C'est à tes oreilles qu'on somme. Vois que dans le chemin qu'on prend, la pute de psy s'appelle consomme. Charismatique, apprenez que le rap c'est pas pour la mode. Qu'arrivera-t-il en premier? La réponse ou la mort? Moi je me souviens quand j'étais petit, tout ce que je voulais c'était être grand. Force qu'on mettrait des dingras, j'ai vu ma rage grimper d'un cran. J'ai fait le topo, j'étais petit, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai compris, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai tout repris, frère. Attentif, j'ai vu le monde évoluer. Mes proches partiraient par un, mes parents s'éloignaient. Qu'est-ce qui me restait? Hormis les potes et la musique, les soirées rap ou console, la bière ou le sky et le lendemain l'usine. Sur ma détresse, j'ai minimisé rarement mes maîtres. Ma vie en musique, je la vis viscéralement. Voilà pourquoi je suis toujours devant un mic. À vous parler que de mes galères, je suis pas là pour faire le mac. Ouais mec, c'est le hip-hop qui me tient en forme. La rage voulait un contenant, alors je suis devenu la forme. Et puis, dis-toi, mes sons seront jamais à mort. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arrêter, hormis ma fille ou bien la mort?